On ne peut pas demander à l'homme de comprendre des choses qui font partie de son esprit. Il faut l'aider, il faut l'amener petit à petit avec une grande patience à prendre conscience de son esprit en lui donnant les outils pour en arriver à ça. C'est à ce stade-là que je travaille de mort. Puis c'est dans le temps qu'on en arrive à voir à travers les voiles, puis les voiles, puis les voiles, puis les voiles, puis les voiles, puis les voiles, puis les voiles. Mais ce qui me fâche, c'est l'attitude de l'homme. Mais ce qui me rend content, c'est de voir que l'homme sort de ses attitudes avec le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je vous dis, moi, qu'après 13 ans de fusion, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Je commence. Je commence. Alors, autrement dit, la personnalité réelle de l'homme, ça n'a plus de fin. Puis c'est pas seulement la personnalité dans la matière, c'est la personnalité de ses autres clients ensuite qui continue, ça n'a plus de fin. C'est pour ça qu'on doit apprendre à nous définir nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en vertu de nous-mêmes, tout le temps, jamais pour les autres. Jamais. Ça fait partie de l'évolution. Puis les hommes vont trouver ça difficile, cette expérience-là. Surtout les hommes qui sont spirituels et qui sont bons, et ainsi de suite. Bah, bah, bah, quand je vous dis que l'esprit de l'homme, c'est une réalité personnalisée, qui existe sur des plans invisibles, sur différents taux vibratoires. Ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est pour ça que je dis, l'homme, il n'est pas réel, l'homme. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, l'homme. Nous autres, on pense que l'homme, c'est nous autres. C'est pas nous autres, c'est pas ça, l'homme. L'homme, c'est d'autres choses que ça. Mais ça commence où, ça? Ça commence avec la percée dans la matière de la personnalité réelle. Ça commence là. L'homme nouveau, il commence là. Puis il se perfectionnera au cours de l'évolution de la sixième race, puis les sous-races, puis la septième, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que l'homme devienne esprit, qu'il ait le pouvoir sur l'éther mental pour la matérialiser dans la matière, pour l'évolution de sa science, sa civilisation. Comme les êtres extraterrestres font, en autre cas. Ah, l'homme commence, l'homme est au premier étage quand il rentre dans sa personnalité réelle. Mais le premier étage est tout aussi important que les autres. Même il est encore plus important que les autres parce qu'il permet à l'homme d'avoir accès aux autres. Les gens qui ont multiples personnalités comme les schizophréniques ou les gens comme... Il y a un film qui était fait il y a quelque temps, là, The Four Faces of Eve. Puis, les films, là. C'est une minute sur une personnalité, puis l'autre minute sur l'autre personnalité, puis une autre sur une autre personnalité. Qu'est-ce que c'est, ce phénomène-là? C'est que les raccords vibratoires entre les multidimensionnalités de personnalité de l'homme ne sont pas ajustés. Fait que ça crée un choc sur le plan astral, puis automatiquement, ça déforme la réalité psychologique de l'homme. C'est comme si tu as quatre gants en toi qui ne sont pas ajustés, qui ne s'entendent pas. Là. C'est ça? Heureusement que c'est un phénomène qui est assez rare. Parce qu'on aurait des illibéraux dans le monde. Mais pour que l'homme vive sa multidimensionnalité au niveau expérientiel, il faut qu'il soit ajusté dans ses corps. Sans ça, il serait un vrai capoté. C'est pour ça que c'est si long, le passage de l'ancienne personnalité à la nouvelle. Toi, t'en as vécu une expérience à ce niveau-là. C'est ce que je veux dire. Comment je t'en ai parlé, puis je t'en ai parlé, puis je t'en ai parlé. Là, tu passes par ton expérience. C'est une marque. Mais il y en a d'autres qui ont eu une sueur sur le front en attendant, hein, qui te watchaient. Ah, vas-tu aller par là? Vas-tu aller par là? On s'inquiète. La seule qui s'inquiète pas, c'est à toi. Je me rappelle, mais quand je disais, comment est-ce que tu te sens? Tu disais, ah, oh, je suis correct, me semble. Mais essaye de dire ça à ta belle-mère. Considérez votre vie des années qui viennent comme étant du matériel qui sert au passage de la vieille personnalité à la nouvelle. C'est pas autre chose que ça, votre vie, c'est plus fini. Jusqu'à temps que vous soyez toutes dans la nouvelle personnalité. À ce moment-là, ben, votre vie va avoir un autre rayonnement, ça sera pas pareil. Mais c'est du matériel de passage d'une personnalité à l'autre. Il faut que vous partiez une personnalité pour avoir l'autre. Vous allez tout à part. Un rythme différent, mais vous allez tout à part. Il y en a, c'est plus lent parce qu'ils ont des grosses activités, ils ont des activités importantes. Ceux qui n'ont pas trop d'activités, ils passent plus vite. Docteur Herbeck ne peut pas aller trop vite, mais c'est un médecin, fait qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre dans sa vie. Mais ceux qui travaillent, qui ont des petits jobs qui ne requièrent pas beaucoup de responsabilités, ou ceux qui ne travaillent pas, le processus de déplacement va être beaucoup plus rapide. Ça ne change rien dans une situation ou dans l'autre. C'est les conditions de vie qui demandent que ça soit mieux de même dans un cas que dans l'autre. Mais le phénomène est le même. L'homme n'a aucune idée qu'est-ce que c'est de la personnalité. Moi, je commence à comprendre la mienne. Mais j'en bénéficie tout de suite. Mais je commence à comprendre. Puis elle change tout le temps ma personnalité. Tout le temps. Dans 2 ans, c'est pas pareil. Un an, c'est pas pareil. Dans 5 ans, c'est pas pareil. Mais elle s'approfondit constamment. Autrement dit, l'esprit s'en sert d'une façon de plus en plus créative. De sorte que les corps, le mental, l'astral, le vital, vivent de plus en plus. C'est ça la vie sur la terre. Tout le reste, c'est de la réflexion. C'est du boniment. C'est de l'auto-investigation. Au lieu de la créativité. La recherche. Mais pour en arriver à plus se rechercher, il faut savoir trouver. Puis pour savoir trouver, mais il faut plus chercher. C'est un cercle vicieux. C'est comme le serpent qui mange sa queue. Il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, on est obligé, quelque part dans le temps, de fracturer le cercle pour que ça devienne une spirale. Sans ça, on reste dans le cercle. Un homme doit éventuellement en arriver à se sentir plus intelligent. Ça, c'est un signe du passage de l'ancienne à la nouvelle personnalité. Pas demander l'opinion à la belle-mère s'il est plus intelligent. Mais lui, il faut que ça sache s'il est plus intelligent. Mais il y a un phénomène chez les gens qui leur empêche de savoir s'ils sont intelligents. Maudit, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils sont pas sûrs s'ils le sont. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils sont pas sûrs s'ils le sont? Parce qu'ils questionnent s'ils le sont. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils questionnent s'ils le sont? Parce qu'ils sont pas sûrs s'ils le sont. T'as encore un autre cercle ici. Faut que l'homme mette l'âge dedans. Quand vous allez arrêter de questionner si vous êtes intelligent, vous allez commencer à l'être. Mais tant que vous allez questionner si vous êtes intelligent, vous ne serez pas. C'est aussi bête que ça. Non, ça aussi. Parce que quand tu questionnes si t'es intelligent, tu sors de ta mémoire pour vérifier si tu l'es. Tu n'as pas besoin de ta mémoire pour vérifier si t'es intelligent ou non. Moi, j'ai pas besoin de ma mémoire pour vérifier si ce que je vous dis, c'est ça ou c'est ça. Moi, je vous dis ce que je vous dis, c'est ça. Final. Mais j'ai plus de mémoire. Fait que moi, je sais. J'ai plus de personnalité pour dire si j'ai-tu raison de ce que je leur dis, mais ça fait un petit peu. Tandis que vous autres, si vous étiez à ma place, vous parleriez, vous vous poseriez des questions sur tous les mots que vous envoyez pour vous exprimer à la salle. L'intelligence est une échelle. Tu montes dans l'échelle, tu ne regardes plus en arrière. Mais vous autres, vous montez, vous regardez de côté pour voir ce que vous êtes rendu, pour vous remonter. Au lieu de monter, puis monter, puis monter. C'est bien plus simple d'être intelligent qu'on s'imagine. Seulement, c'est bien plus tough qu'on pense. Puis pourquoi c'est tough? Parce que justement, on y pense. Ça se pense pas d'intelligence. Ça se passe. Mais si t'as moins vraiment d'émotivité, mais tu vas y penser. Fait qu'automatiquement, tu regardes, tu redescends. Puis on fait ça tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est les mécanismes de la vieille personnalité. Ça marche de même depuis des siècles. J'écoute des conversations dans le monde, dans le public, puis c'est toujours la même chose, c'est toujours la même vibration. C'est soit le hockey, le baseball, la politique, les élections qui s'en viennent. J'entends jamais de conversation intelligente dans le monde. Jamais. Jamais. À part des gens, là, comme les scénaristes ou des gens qui se conscientisent, là. Mais dans le monde, j'en entends jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais. C'est toujours le même pattern. C'est toujours la vieille personnalité qui fonctionne. Le jasard. Toutes les idées, bon, c'est des idées qui proviennent du journal, de la télévision, le dernier film à la télévision. Il n'y a absolument rien de créatif. C'est inouï. Le cercle vicieux est mondial. Il y a des modes. Des fois, c'est des meurtres. Des fois, c'est des petites filles qui se font violer. Tout le monde en parle. C'est des modes. Puis nous autres, faut qu'on garde notre équilibre là-dedans. Pas facile. Faut qu'on ferme notre gueule là-dedans. Pas facile. Pourquoi? Pour développer le discernement. Tu parles à du monde avec qui tu peux parler. Sans ça, tu perds ton temps, tu perds pas d'énergie. Tu parles de baseball. Mais les gens ne sont pas capables encore de parler de baseball quand ils sont conscients. Ils sont pas capables de parler de ce qui se passe dans le monde. Parce que les autres là, sont encore au niveau, il y a encore de la réflexion dans l'ego. Ils s'imaginent que toute la Terre devrait parler des affaires qui parlent. Si ton patron ne parle pas de la conscience cosmique, là, il vaut rien. Pas de discernement. Vous êtes allé au hockey, aller au hockey, parler du hockey, une façon de parler du hockey. Moi, je vais manger dans un petit restaurant, un petit trou dans le nord, là, chez Albert. Lui, c'est le hockey, parler de ça. Entre ses hamburgers, ses patates frites, c'est là. Il est fin. Il est bon restaurateur. Quand je dis, qui c'est qui a gagné, hein? Il me le dit. Il est content. Faut commencer à parler de la conscience cosmique. La personnalité, la vraie personnalité, elle peut s'adapter à n'importe quelle situation humaine. Quand vous pourrez vous adapter à n'importe quelle situation humaine, vous ne souffrirez plus de la condition humaine. Ça sera un jeu d'enfant pour vous autres. Fait que si vous êtes sur la job, vous irez sur la job rien que pour avoir la pièce mise dans votre poche. Vous payez votre salaire, puis votre maison, puis vos vêtements. Puis... Jusqu'à temps que vous soyez suffisamment dans l'autre personnalité pour être on your own. C'est ça, du discernement. Sans ça, vous allez pâtir, ça, déjà. Avec le baseball. C'est comme dans les familles. C'est important dans vos familles, avec vos belles-mères, vos... le party de Noël qui s'en vient. T'sais. Il y en a qui sont prêts à aller au party de Noël dans la famille. C'est tough. Ça, je comprends ça que c'est tough. Mais vous pouvez y aller pour 2 heures. Faire plaisir à votre mère, faire plaisir à vos parents, c'est ça, qui sont vieux. Ensuite, vous leur dites, mais il faut que vous partiez. Mais il y en a qui sont pas capables. Hein, c'est tout ou rien. C'est la conscience cosmique ou rien. Lui, il travaille dans un club. Il y a un club. Un restaurant club. Pensez-vous que c'est facile de travailler dans un restaurant club quand t'es là-dedans, quand tu rentres là-dedans? Mais quand tu es capable de faire les deux, ton club il marche en maudit parce que ça devient une game après ça. C'est un jeu d'enfant. Là, tu bénéficies de ton club, tu fais tes argents, tu as ton fun, puis tu discernes ce qui se passe. Ta personnalité réelle, elle rentre dans le club. Elle donne une énergie à ton club. Elle ajuste ton monde dans ton club. Ça devient un jeu d'enfant. Mais si tu es dans ta personnalité entre les deux, ou si tu es dans ta fausse personnalité, mais t'as tous les problèmes qu'un club peut donner. Laissez-moi vous dire qu'il y en a. C'est dommage. Il n'y a rien de sérieux dans la vie. Nous autres, notre personnalité, notre vieille personnalité, elle crée du sérieux. Ça n'existe pas de sérieux. Comme une fois, il me disait, il s'est fait voler dans le club. J'ai pas pensé de dire ça. Ça m'a passé par la vidéo aujourd'hui. J'aurais pu dire, bon, c'est pas grave, ils vont venir quelquefois, mais du moment que t'en laisses pour le restant de l'année, t'es correct. Mais ça, c'est la personnalité réelle qui pense de même, qui fonctionne comme ça. Fait comme ça, tu ne fais pas de sang de cochon. Ils disent qu'être bien dans sa personnalité, c'est de ne jamais se poser de questions sur sa personnalité. Quand tu te poses plus de questions sur ta personnalité, t'es bien dedans. Mais tant que tu te poses des questions sur ta personnalité, t'es pas dans le vrai, t'es dans l'autre. C'est bon, ça va? Fait que checkez ça si vous posez des questions sur votre personnalité. Vous allez savoir dans quel vous êtes. Ils disent que c'est une bonne règle de mesure. C'est absolu, ça marche. Puis le pire, c'est que quand on passe de la vieille personnalité à la nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font miroiter dans la vieille des aspects. Ah, ils passent à une pensée. Bon, ils passent à une émotion. Ils te font miroiter ça, puis ils te font miroiter. Puis l'ego, lui, il se pogne dans le jeu, puis il se pogne dans le jeu, puis il se pogne dans le jeu. Quand je vous disais dans les séminaires, moi, tout ce que tu fais, c'est correct. C'est pour quoi? C'est pour vous apprendre à vous désengager de votre vieille personnalité. Là, c'est plus facile aujourd'hui de comprendre ça, parce qu'il y en a aujourd'hui qui comprennent ça, que tout ce qu'ils font, c'est correct. Autrement dit, qu'il n'y a plus de réflexion dans l'action de la personnalité. Alors, c'est déjà un tremplin pour passer vers la nouvelle. Puis, ils te font miroiter ça. Puis, c'est facile, c'est vibratoire. Ils peuvent t'en faire miroiter des poissons dans l'eau. Mais on est toujours là avec l'hameçon, puis l'hameçon, puis l'hameçon. On n'est pas capable de laisser passer les poissons. C'est comme ça qu'ils transforment la vieille en nouvelle. Ils sont obligés de faire ça, ils n'ont pas de choix. Parce qu'on a des mécanismes intérieurs dans nos personnalités qui doivent être détruits. Puis les mécanismes, c'est les mécanismes qui sont liés à la mémoire de nos émotions, puis la mémoire de notre intellect. Fait que tu comprends que du matériel pour travailler aux autres, c'est pas ça qui manque. On en a en masse depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand tu as vécu 50 ans sur la planète, Charlie, tu commences à te bourrer comme un sac. Puis plus vous avez de principes, pire que c'est. Les principes, c'est comme les femmes qui tiennent du ciment. C'est un petit peu ça, personnalité. Ça nous donne une idée. Ils disent que ça n'existe pas, des petites personnalités. C'est une illusion qu'on se fait, nous autres, parce qu'on a comparé la note à un autre qu'on pense qu'il est une plus grande. Même toi, si t'es petit, t'es cool, t'es pas cute, petite mesure à lui, chose que t'en passes pas des mots du changement. Lui, il est grand, il est cute. Nous, on se fait des free games. On vit constamment de miroitement, puis de miroitement, puis de miroitement, puis de miroitement, puis de miroitement. Ils disent que de l'esprit, c'est ultimement solitaire. Ça veut dire que quand l'homme est conscient de son esprit, il est ultimement solitaire. Et étant ultimement solitaire, il ne se compare jamais à un autre homme. Ça, c'est une souffrance de l'homme. C'est définitivement une souffrance de l'homme de se comparer à d'autres hommes. C'est une grande souffrance, surtout pour certains types d'hommes ou de femmes. Ils disent que si un homme était dans la tête d'un autre homme et regardait à travers l'autre homme, il serait totalement dévasté parce qu'il pense, parce qu'il verrait. Puis en voyant la comparaison entre ce qu'il verrait dans la tête de l'autre et ce qu'il pensait de l'autre, il verrait une différence infinie. Infinie. Un homme là, qui pourrait rentrer dans l'esprit d'un autre homme et regarder, vivre temporairement la vie de l'autre, là, il verra que ce qu'il voit de l'autre est totalement différent de ce qu'il verra de l'autre une fois dedans. Puis on a des expériences graphiques dans la vie de ça. Des fois, on voit des gens qui sont bien, sont à l'aise, ils ont un certain pouvoir social, puis whoop, ils se font flamber à la cervelle. On dit, comment ça se fait? Il était riche, il avait une belle femme, des beaux enfants, une belle famille, il a sauté pareil. Ça nous surprend, on voit ça des journaux des fois. Fait que c'est très important pour l'homme de vivre sa vie, de rentrer dans sa nouvelle personnalité, puis il y a des mécanismes, c'est ce que je vous explique. Puis on en arrive petit à petit à ça, puis quand on arrive, qu'on commence à toucher de ça, qu'on commence à toucher à ça, mais là on commence à être bien. On se tracasse plus avec soi-même. C'est fatigant de se tracasser avec soi-même. Il y en a qui se tracassent, puis qui se tracassent. Ça n'arrête pas de se tracasser. C'est évident. Plus tu te fracasses, plus tu évolues lentement. Les gens qui n'ont pas de tempérament naturel de se fracasser, ils ont une idée. Tu vois, ils regardent 2 mois après, puis bon, ça avance. Ça avance. Il y en a, ça se fracasse. Ça... Qu'est-ce que c'est se fracasser? Je vais vous l'expliquer, qu'est-ce que c'est se fracasser. Se fracasser, c'est le jeu de l'esprit à travers votre corps astral. C'est l'énergie de l'esprit à travers votre corps astral. Fait qu'automatiquement, cette énergie-là, au lieu d'être enregistrée comme du monde, il est enregistré tout croche. Pourquoi? Parce que votre corps astral est trop émotif. Il y a trop d'émotions dans votre corps. Il y a trop d'activités émotives sur le plan astral. Donc, ça affecte votre intellect. C'est ça, se tracasser. Se tracasser, c'est de l'émotivité qui va au mental du temps, qui va au mental du temps, qui va au mental. C'est une mauvaise habitude. Mais ça fait partie de. Du tempérament, puis des influences extérieures, l'éducation, les problèmes qu'on a vécu, qu'on n'a pas été capable de surmonter, toutes les souffrances qu'on a vécues subjectivement. Ça fait partie de la psychologie de l'homme. Y a des gens qu'on dirait qu'ils sont pas capables d'en arriver à pas se tracasser, ils se tracassent, puis ils se tracassent, puis ils se tracassent. Ça n'a pas de fin, la tracasserie. Se tracasserie, tracasserie. Il y en a, mais ça a une fin. Parce qu'il y a une différence entre se tracasser et se tracasser. Comment est-ce qu'on dit ça? Se tracasser. Se tracasser? C'est ça? Là, j'ai plus la vibration du mot, fait, je suis plus capable de comprendre. En tout cas, il y a une différence entre se tracasser. Se tracasser. Se, attends, il faut que je le saisisse. Se tracasser. Se tracasser. Se tracasser. Là, je ne suis pas capable de le saisir. Je ne suis pas capable de le saisir. En tout cas. Il y a une différence entre se tracasser. C'est parce qu'ils m'achèrent les autres avec le tracassage, parce qu'il veut dire fracasser. Fait qu'il y a deux vibrations qui se mélangent, puis je suis pas capable. La différence entre se tracasser. C'est dur de parler avec des mots que tu comprends pas. C'est quand tu n'as plus la mémoire de la forme. Tu n'as que l'énergie de la forme. Tu peux plus l'utiliser. Se fracasse, c'est des tracas. Ouais, des tracas. En tout cas, j'ai perdu ce que je voulais dire. Convenez. Je vous dis, j'ai assez parlé de la souris. Mais, tu vois que c'est fort, l'esprit, hein? Quand tu dis que l'esprit peut te couper de parler. Tu sais, quand je parle de la nouvelle personnalité et la personnalité réelle, c'est plus l'ego qui rentre, c'est l'esprit. Puis quand il ne veut plus parler, l'esprit ne parle plus. Comment est-ce que l'ego voudra continuer et continue sur un autre temps pour expliquer que l'esprit ne veut plus parler?